Are you ready? Rapidens 35. Salut les amis et bienvenue dans Rapidens 35. Vous le savez, c'est l'unique émission qui chaque semaine vous fait découvrir en 2h 35 chansons. C'est pas n'importe lesquelles, ce sont les 35 meilleures du moment. Mais cette semaine, vous le savez, c'est déjà la dernière émission de cette saison, en tout cas pour Rapidens 35. Bien évidemment, je vous rassure, c'est toujours moi-même Ismaël qui va rester avec vous durant 2h pour vous servir 35 chansons. Cette fois-ci, c'est pas les meilleures de la semaine, mais les meilleures de la saison. Et elles ont été choisies par mes soins. Donc en tout cas, c'est plutôt mon classement personnel à moi pour cette saison 2019-2020 dans Rapidens 35. Et je peux vous le dire, il va y avoir du très lourd. Je vous ai prévu des sons remixés par d'autres DJ. Voilà, parce que j'ai envie qu'on soit un petit peu plus dans l'esprit dance ce soir. Même si, je vous rassure, il y aura des classiques. Hein. Comme d'habitude, j'ai pas tout remodifié. On est quand même voilà, là pour se faire plaisir durant 2h. Mais pas que, on est aussi là pour se faire ultra plaisir. Ultra méga plaisir. Bref, j'arrête de radoter comme un ancien. Tout de suite, je vais vous dire ce qu'on va avoir. Tout à l'heure, en 32e position, je vous prévois What the Fuck de UGEL. Avec une version remixée par le célèbre DJ Toujamo, et je vous le dis, elle envoie du très très lourd, donc on va tout de suite commencer avec ça, tout à l'heure en tout cas avec le numéro 32. Numéro 33, ça sera Todrick Hall avec Nails, Hair, Hips, Heels. Lips, real purse, full, big bills, bitch, I'm a big girl, what you gonna let them see? Qui avait été un gros carton, d'ailleurs il avait été surtout dans le top 35 vers septembre-octobre de l'année dernière. On a aussi Jack Jones avec Harder qui arrivera. Et pour l'instant on commence tout de suite avec du Martin Garrix. Certes il est numéro 35, mais c'est parmi les 35 meilleures chansons de toute la saison 2019-2020. Et c'est tout de suite Higher Ground dans Happy Dance 35. 2 heures de meilleure hit music with Dance Electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Numéro 35. All this time keeps fading, feeling trapped inside. So afraid of the darkness talking in my mind. It's been a long time coming, but it wasn't for nothing. Soul searching for something, for something. And I'm smiles you've seen me faking. I just wanna feel alive.

at me like watching and learning, cause I'll show you how. Looking at me like Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 31. Am I the only one who's been mistaken? Cause you're the only one who keeps me waiting. Do you know how much time I would be saving if I didn't let you into my head? Let you into my bed, oh. Bonjour Ismaël avec vous les amis pour vous présenter les 35 meilleurs hits EDM de cette saison 2019-2020 dans Happy Dance 35. On va continuer tout à l'heure avec attention du Dirty Work avec un No Letting Go. Night. On aura aussi Roberto Suras avec Joys. Puis Tiesto avec son single God is a Dancer, je suppose que vous connaissez quand même. Bah ça arrive juste après Sophia Carson avec I Love You, un de mes singles préférés et qui est classé numéro 30. Hit numéro 30. Love you. wasn't true. Cause I know you think of her when I'm lying next to you. I love you and I don't know what to do. Cause you can't get over her and I can't get over you. Numéro 29. God is a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go harder. Cause she keeping you on your toes. And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. Are you feeling that fire? Cause the music is on the way. If you wanna be higher, wanna move till the break of day. Put it all on ya. Let them know you're coming for that. Ain't nothing to it, it's natural for ya. Oh my, oh my, oh my, you got the answer. You won't stop for nada, yeah. Time to, yeah, keep that pace. Ooh, why you just take it step by step. When you come out on the floor, you got the left, right, left. Leave them coming back for more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got I'm tout de suite ce qui arrive, No Letting Go de Dirty Work, numéro 27 de la saison 2019-2020 dans Happy Dance 35. Hit numéro 27. Got somebody, she's a beauty, very special, really and truly, takes good care of me like it's her duty. Won't you ride by my side night and day? La suite de Happy Dance 35, c'est Boston Bun, Don't Wanna Dance. Hit numéro 26. No, I wanna dance. meilleurs hits de la saison 2019-2020 dans Happy Dance 35, ça continue. Et d'ailleurs, je vous prévois quelque chose un petit peu remixé. Je vous en avais parlé en début d'émission. Il va y avoir d'ici quelques minutes du Jack Jones qui aura remixé Pump It Up de Endor. Et tout de suite, je vous prépare Dimitri Vegas Instagram, version remixée par Rehab. Hit numéro 25. Just bought a black Ferrari, house in the hills in LA. Say that you take care of me. Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV, and I should come back to your place. Hold on, let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell? You know who the fuck I am. Who the hell? Cuando tú me ves, cae rápido, conmigo sale a flote, te pasas en mi bote, me firmo irá contigo y en tu cachatela no te, no digas que no, no digas que no, te vieron perreando conmigo en el club, porque cuando tiro soy el Fran Franco, tirador que siempre te dé en el blanco, mi cuenta de vista pero soy franco, nadie deposita más que yo en el banco, me da igual, sé lo que te conviene, después que te viene, me da igual, vive y aprende, si no me entiendes, o de tres. Who the fuck I am? Who the hell? Numéro 24. You got to pump it up. Alors les amis, j'espère que vous appréciez ce top 35 des meilleurs hits EDM de la saison dans Happy Dance 35. On va continuer avec toujours plus de sons et surtout des meilleurs sons puisque je les ai classés mieux que les autres. On aura tout à l'heure Robin Schulz avec In Your Eyes, une version remixée par Lumix. Il y aura aussi Galantis et son single Face qui a été vraiment très très longtemps dans Happy Dance 35, notamment vers novembre et décembre 2019. Et bah, il sera cette fois-ci remixé par Jord, un Norvégien. Et puis Fisher, You Little Booty, ça arrive juste après Taki Taki de DJ Snake dans la suite des meilleurs hits EDM de cette saison dans Happy Dance 35. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 22. Whoa,

numéro 18. When you're numb to the touch, you cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same. And every single scar that you claim is a stone in the path to this place. And every single choice that you made has led you this way. So lay your head on me, lay your head on me. Les amis, je suis super content d'être là avec vous en ce moment pour écouter et découvrir ou même redécouvrir certains singles qui ont été très très bien classés dans le top 35 des meilleurs hits EDM de cette saison dans Happy Dance 35. On a pu écouter à l'instant Major Lazer, Lay Your Hand On Me. J'espère que ça vous a fait plaisir. D'ailleurs, il est toujours dans le top 35 des meilleurs hits de la semaine que vous allez pouvoir retrouver notamment sur la page Facebook et le Twitter de l'émission en tapant Happy Dance 35 ou Happy Dance 35 EDM. D'ailleurs aussi, si vous souhaitez réécouter les anciennes émissions, n'hésitez pas, elles sont déjà toutes disponibles en podcast sur happydance35lepodcast.fr ou sinon vous avez juste à taper sur Google happydance35 et vous trouverez toutes les informations relatives à ça et même le site de podcast pour réécouter tout ça. En attendant, j'espère que vous êtes prêts pour démarrer cette deuxième heure avec moi. On va tout de suite partir très très fort avec deux remixes. On aura tout à l'heure, eh bien, Medusa, Lost Control. Alors celle-ci, elle est pas du tout remixée, hein. Mais les deux remixes, ils sont juste avant, avec notamment SOS de Avicii, remixé par Lucas and Steel. Et puis tout de suite, eh ben, c'est Ellie Goulding, Close to Me. J'espère que vous vous souvenez de ce single. Il est remixé par Beerus. Each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me. Animal, animal, oh, like animal.

Et voilà, c'était donc le 14e single pour moi le mieux classé cette saison dans Happy Dance 35, I'm Not Alright et Low Luxury, avec cette fois-ci en bonus la version remixée de EDX Dubai, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet hein, et même sur YouTube, et je la trouve vraiment très très stylée personnellement, et c'est pour ça que je vous la fais découvrir dans cette dernière émission. Allez, on va continuer avec plus de sons, bien évidemment, je vous prévois quoi ? Et bah, des choses comme du Alone Walker avec Alone Partie 2, il y aura aussi Regard avec Secret, et puis Major Lazer, Kekalor, devinez quoi, ça arrive juste après Kygo, I Will Wait, remixé par Bund. 2 heures de meilleure hit musicale dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Beat numéro 13. I'll never forget the songs we used to play. And when I put them on, the feeling never fades out my body. I hope you're thinking of me. Qué calor, en la discoteca, qué calor, y acá, bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das trabajo, mami, con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba el que es real. Qué calor, qué calor. En la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor. Qué calor. En la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor. Reste un peu plus d'une demi-heure ensemble pour écouter et surtout découvrir ce classement que je vous ai préparé, celui des 35 meilleurs hits EDM. Mais cette fois-ci, c'est pas de la semaine, vous le savez. Si vous êtes là, en tout cas depuis le début de l'émission, c'est bien évidemment celui de la saison entière pour Happy Dance 35. Et qu'est-ce que ça va donner ? Eh ben, il va y avoir plein de DJ différents. Il va y avoir aussi des stars différentes, comme par exemple, il va y avoir du Kaigo, du Marshmello, du Lady Gaga, du Sam Felt, du Riton et du Alan Walker. Alors bien sûr, si je vous dis tout ça, c'est pour une bonne raison. Déjà, c'est que tout à l'heure, en numéro 8, on va pouvoir écouter Stupid Love, une version remixée de Velvet Code pour Lady Gaga. En numéro 9, ce sera Riton avec Turn Me On. Puis tout de suite, je vous fais bien sûr du Alan Walker avec Alone Partie 2 qui restera pour toujours dans mon cœur parce que c'est vraiment l'une des meilleures chansons de cette saison 2019-2020, en tout cas selon mes goûts. Alors c'est parti tout de suite, Alone Partie 2 pour entrer dans le top 10 des meilleurs hits EDM de la saison. Numéro 10. 2 a.m. posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you. Forgiven eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. Hey. 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Les amis, préparez-vous à être surpris par ce hit numéro 8 puisque c'est un remix de Velvet Code sur la chanson de Lady Gaga, Stupid Love, à découvrir tout de suite dans Happy Dance 35. Hit numéro 8. I want just to be loved. So Candy, c'est le single, je pense, de cette année et surtout de l'été. Il mérite très bien sa place de numéro 7 depuis son arrivée dans Happy Dance 35, avec notamment Lady Gaga déjà en tant que créatrice de ce single, et surtout la coopération avec le fameux girls band coréen de K-pop. Je parle bien évidemment des Blackpink. Alors si vous connaissez pas et que vous voyez pas du tout de qui je parle, je vous invite à aller sur YouTube là maintenant avant de continuer d'écouter la suite de Happy Dance 35 et de chercher Boombaya. Voilà, vous l'écrivez comme Boombaya, vous allez trouver ça, et c'est un truc de ouf, rien que le clip vidéo est magnifique, et puis un mélange de EDM, rap, de pop, hein, c'est extrêmement, extrêmement envoûtant, et tout de suite, bah, en fait, n'allez pas écouter ça, pour l'instant, découvrez la version remixée de Sor Candy par White Tree Netic. Numéro 7. Sometimes you gotta lose some. tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody just to find you really love someone. Oh, oh. And I do, and I do, and I do, yeah. Sometimes you gotta lose somebody just to find you really love someone. Oh, oh. Yeah, sometimes you gotta lose somebody. Numéro 5. Drink one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Till now we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go, oh, oh. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go, oh, oh. Yeah, we are never ever going Dernier quart d'heure de la dernière émission d'Happy Dance 35 dans cette saison 2019-2020. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent à cet instant précis. Vous allez pouvoir découvrir en 15 minutes 4 chansons. C'est pas n'importe lesquelles, c'est les 4 meilleures chansons de cette saison présentées par moi-même Ismaël. Donc restez bien accrochés à votre poste audio, à votre radio, puisque ça va envoyer du très très lourd. Bon, peut-être pas du très très lourd, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de sentiments qui vont venir. Des sentiments qui vont vous amener à penser à vous, à l'infini. On pourrait même dire Forever Yours, mais je crois d'ailleurs que c'est le nom d'une chanson. C'est bizarre, tiens. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est Kygo qui a fait un hommage voilà, à Avicii. Avec Avicii qui avait déjà commencé, bien évidemment, la création de ce single l'année dernière. C'est sorti d'ailleurs dans l'album posthume en hommage à Tim, qui est donc le nom de Avicii, enfin son prénom. Bah, justement, Forever Yours, c'est le numéro 4. Et il arrive dès à présent dans Pidance 35, juste avant le top 3 des meilleurs hits de cette saison. Hit numéro 4. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours. Top 3 des hits, c'est maintenant. Les 3 meilleures chansons EDM de cette saison dans Pidance 35, on la démarre tout de suite avec Kygo et Whitney Houston sur I Girl Love et la version remixée par Kepa. Juste après, ça sera Rhythmo des Black Eyed Peas et puis pour la numéro 1, je vous laisse la découvrir d'ici quelques minutes. Numéro 3. Wasted time. Look inside your heart and I look inside.

Happy Hour à l'instant avec la version remixée par Frank Walker dans Happy Dance 35. D'ailleurs, si vous ne vous souvenez plus eh bien, de qui est l'original de la chanson, je vous le dis tout de suite, c'est de Marshmello et Bastille. Et je parle bien évidemment du DJ Marshmello. Hein. Je ne vous parle pas des marshmallows qu'il faut manger et faire griller au barbecue ou au feu de camp. En tout cas, les amis, voilà à l'instant donc le numéro 1 de cette dernière émission. Je vous rappelle tout de même que ce single, la Happy Hour, il a été pendant 69 semaines consécutive en tête du classement des 35 meilleurs hits EDM de la semaine. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir été de plus en plus nombreux à suivre l'émission, que ce soit à travers eh bien la radio ou tout simplement les versions podcast que vous pouvez retrouver sur internet, notamment sur le site happydance35lepodcast.fr. Vous pourrez bien évidemment retrouver cette émission en podcast très prochainement, et puis n'oubliez pas de réécouter les anciennes émissions si vous souhaitez vous faire plaisir avec des singles qui sont un peu anciens, bah comme Marshmello et Happy Hour. Voilà, c'est quand même un single qui date de 2018 et qui se retrouve pendant 69 semaines consécutives à la place de numéro 1, c'est-à-dire pendant plus d'un an. C'est quand même exceptionnel. Mais bon, voilà. En tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir passé ces 34 semaines avec vous où vous avez pu découvrir 35 singles classés de la 35e place à la première place du classement. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison, voilà, qui sera de 2020 à 2021. Et puis, bonnes vacances à tous et à tous. Ciao, bye bye. C'était Ismaël au micro et à bientôt. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël.